joint, fume le narguilé. Mesure sur le top et narguilé. Je vais les larguer. Très i, kaki, gros, c'est largué. Sonne le masque que j'ai, y'a pas de remède. J'suis Seiya, t'es Andromède. Automatique comme Android. J'fume que de la frappe atomique. J'lumais des claques sur les seufs. Dans sa mouilleuse surf. J'suis rabat dans le thème. Ce soir, j'vais dormir seul. Lyonzon, c'est pas vous. Bangé, je savoure. Dans ma ville, j'fais le tour. Beteuchi, j'suis full. Elle me dit, j'suis fou. Au sud, j'fais ma thérapie de groupe. J'suis dans le truc. J'suis dans le four. Au sud, j'fais ma thérapie de groupe. J'suis dans le truc. J'suis dans le four. Yeah. Je l'aime, quand j'aime les tabacs, le taga, les sushis, la vraie drogue. Les faux, ça les jette comme des mégots, la go elle est bonne, elle est conne. Donc, décollage imminent, l'école c'est pour les gens égarés. Et j'arrête la cigarette, mon maman la madame va m'attendre à Bucarest. La pute de mes rêves, danse sur Insta, je pense qu'à manger des ramen. Ramène-toi, avec ton clan de baguette, fuck le sap, t'es plus une resta. En plus de ça, ta bitch nous kiffe, partout à tisse, je vais vendre mon extra. Je vais boire ma potion magique, partout dans la ville. Hein, fais-toi, go le vie sur le veston, vite pêche-toi. Elle se croit belle, elle a percé son téton. Débarque dans ta race, sois fou la merde. Pars avec les iPhones et ton herbe. Transforme, objet volé en centime. Yeah. Tantôt j'étais avec ta tantine. Yeah. Ça nous suffit, il sait. Solo le pile, c'est. Ou c'est ça des drinks. More life, ho mal di testa tra i vieni e vai. Le puttane ti chiedono quanto ti rimane, non. Come stai? Tempo, prima o poi te lo sento. Io non mi accontento. Voglio coprirmi con pezzi d'accento. Chiamo guapo per un pezzo. Mi chiamo il black, mi alzo presto. Mi manca l'Italia, le bici del resto. Viene lì io nel mezzo. Tu hai la mano, è la mano di Dio. Non conosco il tuo nome, ti chiamo zio. No, Dio, no. Dio, no. J'ai des questions pour y répondre, peut-être ça me prendra toute la vie. Et y'a des gros pour les taper, peut-être ça me prendra toute la nuit. J'attendais un signe, j'attendais qu'ils me prennent sous son parapluie. J'ai appris qu'il faut seulement être vif, juste les épaules, les appuis. Le temps était gris, et chercher un abri. Nous c'est de l'intérieur qu'on brille. Seulement la trabose parce que dehors c'est la guerre. J'ai mis le prix. J'ai mis les petits plats dans l'écran. En deux messages vois ma tête m'écrase sur l'écran. T'as tué des gens mais seulement devant ton écran. Mais on sait qu'en vrai t'as pas l'écran. En vrai t'as pas l'écran. Thank you.